Chapitre 27e, une demande en mariage. « Marie, dit un jour M. Ashley, je viens de recevoir une demande en mariage pour toi. » La famille était réunie autour de la table du déjeuner. Marie parut surprise, mais sa physionomie ne témoignait aucune émotion. « C'est bien joli, mademoiselle Marie, s'écria Henry, avant que personne n'eût pu placer un mot. « Je vous prie, mon père, quel est donc le soupirant ?» « Il m'assure que son bonheur tient à l'acceptation de sa demande, » répondit M. Ashley. « Il me paraissait même disposé à ajouter que celui de Marie était aussi engagé. Naturellement, tout ce que je puis faire, c'est de faire part à Marie de cette proposition. »« Mais de qui parles-tu donc, Thomas ?» demanda Mme Ashley avec une certaine âpreté. « Je ne trouve pas que Marie soit déjà en âge de se marier. »« Ni moi non plus, maman, » dit Marie en riant. « J'aime trop la maison pour la quitter. » « Pendant que tu fais de la sentimentalité, je meurs de curiosité, » s'écria Henry. « J'ai demandé le nom du prétendant, et je voudrais une réponse. »« Du prétendant ?» interrompit Marie en riant. « J'ai bien peur qu'il ne soit désappointé. » »« Marie, en vérité, j'ai honte de tes manières. Elle vous fait joliment honneur, votre fille, maman. D'ordinaire, quand les demoiselles de condition reçoivent une demande en mariage, elles rougissent, elles baissent la tête, elles se taisent ou parlent tout bas. Et voilà Marie, regardez-la donc. » qui parle tout haut et qui plaisante. Encore une fois, mon père, quel est donc l'aventureux personnage? Serait-ce le bon vieux général Wells, notre voisin goûteux, que l'on promène tous les jours dans sa petite voiture? J'ai dit maintes et maintes fois à Marie qu'elle ne lui déplaisait pas. Ce n'est pas une proposition aussi avantageuse au point de vue de la fortune, répondit M. Ashley en gardant son sérieux. Cette offre vient d'un des employés de la manufacture. Marie tenait le sucrier à la main. Elle reposa mais si maladroitement que la plupart des morceaux de sucre tombèrent. Sa figure était devenue écarlate. M. Ashley le remarqua. Madame Ashley ne vit que le sucre par terre. « Marie, comment as-tu donc fait que tu es maladroite, ma chère ?» Marie releva doucement les morceaux de sucre, la rougeur faisant place à la pâleur. Elle porta son mouchoir à sa tête comme si elle y avait mal. « Cet honneur nous vient de Cyril Dare, » continua M. Ashley. « Cyril Dare ? Cyril Dare ?» répétèrent d'un ton de mépris Madame Ashley et Henry. Marie reprit son calme, elle se mit de nouveau à rire. « Et que lui avez-vous répondu, papa ?»« Je lui ai simplement dit qu'il se méprenait sur le compte de ma fille s'il croyait qu'elle écoutât sa demande. Du reste, cela te regarde, Marie. »« Oh, papa, mais vous savez bien que je ne voudrais jamais de Cyril Dare. » Un sourire passa sur les lèvres de M. Ashley. Il l'avait probablement deviné. « Cyril Dare !» répéta Marie. Comme si elle n'en pouvait croire ses oreilles. Il a perdu la tête. Je ne voudrais pas de Cyril Dare quand même il apportera avec lui son pesant d'or. Apportera-t-il 20 fois son poids en or, ma chère enfant? Je ne consentirai jamais à ce que tu le prises pour Marie, dit tranquillement M. Ashley. Le prendre pour Marie? S'écria Henry. Si je croyais une fille Ashley capable de se dégrader à ce point, je paierais la cuisinière pour qu'elle fît un gâteau à l'arsenic. J'en couperais moi-même un morceau à la fiancée, et je resterai à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle eût tout mangé. « Ne dis pas tant de folie, Henry, » observa Madame Ashley. « Maman, j'avoue que ce que dit là mon frère n'est pas la moitié aussi ridicule que la demande de Cyril, » dit Marie. Madame Ashley, sûre maintenant de ne pas perdre Marie, continuait tranquillement son déjeuner. Cyril t'a-t-il dit comment il ferait vivre Marie s'il l'obtenait ? Demanda en riant Madame Ashley à son mari. Il n'est pas entré dans ces détails. J'en ai conclu que j'aurai l'honneur de les entretenir tous les deux. » Henry se renversa sur sa chaise en riant. « Si j'ai jamais entendu pareille plaisanterie, Cyril Dare, le frère du bel Harbour, quel animal !»« Alors tu refuses l'honneur de son alliance, Marie ?» dit M. Ashley. « Que dois-je lui répondre ?»« Ce que vous voudrez, papa. Dites-lui, si vous voulez, que j'aimerais mieux un ramoneur, si j'avais à choisir. » Comme il eût été fier s'il l'avait obtenu, dit M. Ashley. « Si !» répéta Marie malicieusement. Henry se penchant de travers de la table vers sa sœur. « Sais-tu ce que je te conseille, Marie ? Va offrir ce matin ta main à notre ami goûteux, le général. Il en sautera de joie, ça le guérira tout de suite et nous ferons publier immédiatement les bans. Tu comprends que tu n'as pas le droit de nous exposer à de pareilles émotions. Ce que je te propose sera le meilleur plan du monde pour mettre Cyril et ses parents à la raison et les faire tenir tranquilles. Non, merci, maman. » fit-il en se tournant vers Madame Ashley. « Je n'ai pas besoin de café. Ceci m'a tenu lieu de déjeuner. »« Qui est-ce qui vient ?» demanda M. Ashley en entendant des pas sur le gravier. Madame Ashley leva les yeux. « C'est William Halliburton. »« William Halliburton ?» répéta Henry. « Oh, si vous pouviez fourrer son cœur et son intelligence dans la peau de Cyril, la chose serait faite. » Henry parlait avec cette liberté qui le caractérisait et à laquelle, par suite de son infirmité, on n'avait jamais imposé de frein. Personne ne lui répondit. William entra. Il était venu causer d'affaires avec M. Ashley. « J'irai avec vous et je verrai moi-même, » dit M. Ashley. « Asseyez-vous, William. » « Il est tard, monsieur. »« Vous pouvez bien être en retard pour une fois, » répondit M. Ashley. William sourit. « Nous avons reçu ce matin une lettre de gare. »« Et comment va, M. Gare ?» demanda Henry. « Parfaitement. Il suit les traces de Frank. Il ne se laisse pas vaincre par les difficultés. »« Les lettres de Frank sont toujours excellentes. Il voit toujours l'avenir beau devant lui. » »« Et en attendant, il travaille, » dit tranquillement M. Ashley. William sourit. C'est le meilleur moyen de s'assurer de l'avenir, monsieur. Frank et Gare l'ont appris toute leur vie. Monsieur Ashley dit à William de ne pas s'impatienter et se retira dans la chambre voisine avec sa femme pour y discuter quelques affaires domestiques relatives à un grand dîner. Henry passa son bras sous celui de William et l'attira dans l'embrasure de la fenêtre qu'il ouvrit pour laisser entrer l'air et le soleil du printemps. Marie resta à table. Que crois-tu que Cyril ait eu l'audace de demander ? Commença-t-il. « Je le sais, je l'ai entendu parler hier de la demande qu'il se proposait de faire. »« Tu l'as entendu et tu ne l'as pas roulé par terre, » s'écria Henry. « Le rouler par terre, mais cela ne me regardait pas. »« Comme mon ami, tu aurais dû le faire. »« Ce n'eût été qu'une légère correction infligée à son impudence. »« Je ne vois pas que ce soit non plus ton affaire, » répliqua William. « C'est celle de M. Ashley. »« Oh, vraiment. Peut-être voudrais-tu que ça se fît. »« Je n'ai pas le droit de dire que cela n'aura pas lieu. »« Grand merci. » éclata Henry. Marie, appela-t-il, Halliburton recommande fort que l'affaire qui nous a été proposée soit mise à exécution. William se mit à rire. Il était accoutumé depuis des années aux exagérations de Henry. Cyril y compte depuis bien longtemps, dit-il. Henry le regarda. Qu'est-ce donc? De quoi parles-tu? Cyril compte devenir l'associé de M. Ashley. Ah, c'est là ce que tu t'imagines. Est-ce qu'il s'y attend? Demanda Henry. Cyril a dit hier que la raison de commerce sera bientôt Ashley et Dare. Ah vraiment? Qu'il y compte et qu'il boive de l'eau par-dessus. C'était assez de présomption déjà, mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'il a osé. Il a demandé Marie, aussi vrai que nous sommes ici. William tourna son regard interrogateur sur Henry. Il ne comprenait pas. Il l'a demandé. Pourquoi faire? Comment pourquoi faire? Mais pour en faire sa femme? Oh! Cette exclamation n'était pas un gémissement de douleur, ni un élan d'indignation. C'était un mélange des deux. William mit la tête à la fenêtre. « Il l'a positivement demandé hier en mariage à son père. » continua Henry. « Il a dit que son cœur ou son foie ou sa rate ou quelque chose comme ça était attaché à elle comme elle l'était à lui. Te figures-tu l'honneur de s'appeler Madame Cyril ?» William ne tournait pas la tête. Aucun de ses traits n'était visible. « L'acceptera-t-elle » demanda-t-il à la fin. La question exaspéra Henry. « Oui, elle le veut, certainement. » « Va l'en féliciter, tu es un imbécile, William. » Le son irrité de sa voix arriva jusqu'aux oreilles de Marie. Elle s'avança. « Qu'y a-t-il donc, Henry ?»« Il y a que c'est un imbécile, » répliqua Henry. « Il me demande si tu vas épouser Cyril Dare. » Je lui ai répondu que oui. Il n'y a qu'un sot qui pourrait faire une pareille question. William tourna sa figure empreinte d'une émotion que Henry n'y avait jamais vue. Ses joues étaient rouges et ses yeux humides. Marie avait la couleur de l'écarlate. Elle baissa la tête. Henry regarda l'un, puis l'autre, puis se tourna vers la fenêtre. Regrettait-il d'avoir parlé si ouvertement des affaires de sa sœur? Pas du tout. Il sifflait le refrain d'une chanson en vogue. M. Ashley passa la tête à travers la porte entrebâillée. « Je suis prêt, William. » William toucha silencieusement la main de Marie et dit à Henry. « Viendras-tu ce soir voir les ouvriers ?»« Non, je n'irai pas. Je suis accablé pour toute la journée. » Il était déjà au milieu de l'avenue quand il entendit Henry toujours à la fenêtre l'appeler. Elle a dit qu'elle aimerait mieux épouser un ramoneur que Cyril Dare. Phil, il ne fait plus le nigo comme ça. William reprit sa bourse sans lui répondre. M. Ashley, qui l'avait attendu, passa son bras sous le sien et tous les deux se dirigèrent vers la manufacture. Avez-vous entendu ce bruit qui nous est arrivé d'Allemagne il y a un jour ou deux au sujet de Herbert Dare ? Demanda M. Ashley tout en marchant. Oui, monsieur. « Je voudrais savoir si c'est vrai. » William ne répondit pas. il croyait intérieurement que c'était la vérité. On disait que Herbert Daer, ne trouvant pas le commerce de son goût, avait abandonné sa place et errait en Allemagne accompagné de mademoiselle. Ce rapport ne faisait pas honneur à Herbert et ne devait pas contribuer à faire respecter sa famille. Cependant, M. Ashley croyait fermement que c'était à cette circonstance même qu'il fallait attribuer la demande de Cyril. Cette proposition avait tellement surpris M. Ashley qu'il en était arrivé à se persuader que Cyril avait bien pu entretenir quelque temps cette pensée, mais qu'il s'était vu dans l'obligation de se déclarer prématurément, si prématurément même, que M. Ashley ne pouvait s'empêcher d'en rire. Un homme sans moyens d'existence, sans maison, sans avenir, simple commis dans sa manufacture, demandait Mademoiselle Ashley. M. Ashley, toujours ferme et rigide dans ses principes, n'était pas homme à traiter légèrement une aventure comme celle de Herbert. Et le bruit qui courait sur le compte de ce dernier ne devait pas être une recommandation en faveur de Cyril. Celui-ci s'était-il hâté de se déclarer avant que la rumeur publique atteignît les oreilles de M. Ashley? M. Ashley le pensait. Une heure après que Cyril lui eut fait sa demande, il apprit le bruit qui courait et soupçonna aussitôt que Cyril avait voulu lui extorquer son consentement avant que rien n'eût transpiré. Quand M. Ashley arrivait en vue de la manufacture, Cyril l'aperçut. Cyril se prélassait d'un air nonchalant à la porte d'entrée, échangeant des salutations avec les divers passants. Il aurait dû être à son ouvrage, mais le devoir n'avait pas grande valeur aux yeux de Cyril. Depuis le départ de Musseline, il avait vécu fort à l'aise. William n'avait aucune autorité sur lui, et Cyril, sauf lorsqu'il était sous les yeux de M. Ashley, passait son temps fort agréablement à ne rien faire. En apercevant le patron, il rentra, l'air un peu penaud. Voir M. Ashley se promener bras dessous avec William ne lui paraissait pas de bon augure. Jamais lui, Cyril, n'avait joui d'un pareil honneur, car M. Ashley, toujours digne et réservé, ne donnait pas facilement le bras à un de ses subordonnés. Quand ils arrivèrent, Cyril en tablier, debout devant le comptoir de la chambre du patron, travaillait aussi assidûment que s'il était là depuis une demi-heure. M. Ashley entra, William resta dans la chambre de M. Lynn. « Bonjour, monsieur, dit Cyril. « Bonjour, » répondit le patron. Il s'assit à son bureau et ouvrit une lettre. Au bout d'un moment, il leva les yeux. « Cyril, monsieur, venez ici. » Cyril s'avança, les nerfs un peu excités, comme on dirait d'une dame. Le moment décisif était venu. Jouirait-il d'une belle position? Pourrait-il se livrer en paix à ses goûts de gentleman? Ou bien sa mauvaise étoile l'emporterait-elle et le condamnait-elle à... Il ne savait pas très bien à quoi. J'ai parlé à Mademoiselle Ashley. Elle a été excessivement surprise de votre demande et m'a chargé de la refuser de la manière la plus catégorique. Permettez-moi de vous engager à oublier ma fille. Cyril hésita un moment. Pourquoi ? Demanda-t-il. Pourquoi ? Répéta M. Ashley. Je crois que vous auriez pu répondre vous-même à cette question et m'en épargner la peine. Je ne tiens pas à fouiller trop avant de le passé, pas plus que dans le présent, ajouta M. Ashley, à moins que vous ne le désiriez. Une chose que vous devez sentir, Cyril, c'est que votre proposition était entièrement déplacée. Je l'aurais rejetée immédiatement hier, je vous ai même laissé entrevoir clairement ma manière de voir, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous donner aussi l'opinion de Mademoiselle Ashley. Pourquoi suis-je refusé, monsieur ? Insista Cyril. Monsieur Ashley le repoussa de la main avec dignité. Retournez à vos occupations, Cyril. Qu'il vous suffise de savoir que vous êtes refusé, sans que j'entre dans des détails qui ne seraient sans doute pas de votre goût. Cyril n'osa pas insister davantage. Il retourna au comptoir, calme en apparence, mais tremblant de colère intérieurement. Le patron quitta la chambre au bout d'un moment où il la montra. « Cyril, lui cria-t-il en s'avançant à la hâte, vous ne devez pas faire le triage de ces gants. Je vous ai dit hier de n'y pas toucher. » Cyril ne demandait qu'à faire un éclat. « Vous me l'avez dit ? » s'écria-t-il. « Vous imaginez-vous que je m'en vais faire ce que vous me dites ? Essayez seulement de me donner vos ordres, monsieur. » « Ce sont des gants de première qualité, et il faut les assortir très soigneusement, » observa William. « Ne savez-vous donc pas que l'on a fait des reproches sur le dernier ballot envoyé à Londres ? Le patron en a été vivement contrarié, et il m'a chargé de faire moi-même l'assortiment jusqu'à ce que M. Lynn soit de retour. « Je veux faire l'assortiment, » répliqua Cyril, « mais vous ne devez pas le faire contre les ordres du patron, ou si vous le faites, je serai obligé de recommencer. »« C'est cela, » gronda Cyril. « Monsieur William, faites donc votre propre éloge. Naturellement, vous êtes à mon assortisseur, et moi je ne suis capable de rien. Vous pourriez faire cet ouvrage aussi bien que moi si vous y consacriez le temps et l'attention nécessaires. Mais comme vous êtes de mauvaise humeur ce matin, que s'est-il donc passé ? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis soumis trop longtemps à vos ordres, et que je ne peux plus le faire, » répliqua Cyril, dont la colère augmentait. William ne répondit pas. Il emporta soigneusement les gants que Cyril avait assortis à un autre bout du comptoir où le jour était plus favorable. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » s'écria Cyril. « Pourquoi vous mêlez-vous de mon ouvrage ? Ces gants sont aussi bien assortis que les vôtres. À quoi sert que vous me mettiez en colère ? Supposez-vous que je refais votre ouvrage pour mon plaisir ou pour y trouver des fautes ? Je le fais parce que le patron m'a ordonné d'examiner toutes les douzaines qui sont expédiées, et c'est perdre votre temps que de les assortir d'abord. Regardez. » Acheva William en montrant à Cyril deux ou trois paires de gants. « Voilà qu'ils ne sont pas de la première qualité. » Cyril ne se possédait plus. Le reproche de William laissait déborder la colère qu'avait soulevé le refus de Mademoiselle Ashley. Il arracha les gants des mains de William, les jeta à l'autre bout de la chambre et lui lança un violent coup de poing dans la poitrine. William sans cela, mais avant qu'il se fût remis, une main puissante arrêta le bras de Cyril et une voix sévère lui demanda ce que signifiait cette scène. C'était le patron.